quart de son. Les enfants seraient les vices, les fils unis. Le bise avance, avant, c'est ça la France. Les gars, sans phare de son. À l'aise dans le poste, les vices, les fils unis. Le bise avance, avant, c'est ça la France. Sans phare de son, à l'aise dans le poste, les vices, les fils unis. Le bise avance, avant, c'est ça la France. Les gars, sans phare de son. À l'aise dans le poste, les vices, les fils unis. Le bise avance, avant, c'est ça la France. Gamin, on joue le caïd. Au collège, roule des mécaniques. Des mécaniques et sur le riff, finissait en string sur les parkings. La mode du jock, pas des wings. Regard à la JR et wing. Réputation cramée. Un Walt Disney à la Stephen King. Pire qu'à la Tower Max qui vole le car d'un cul de jade. Pire que m'oublie en costard qui vend de la coco sur trottoir. Et toujours la course au bis pour faire du fric dans les quartiers. La nuit, les chats sont tous gris. Nascar grillé en taquini. Rôde comme des bandes poissons. Rodéo comme Nicky Larson. Avec l'espoir d'un chat crevé et des rames sous le paillasson. Passer son temps sans soucier du pognon sans trop de pèse. Rêver de vacances à Saint-Tropez. Comme les riches, me sens à l'aise. Nous, à la place du sable, on marchait plutôt sur des punaises. Et pour la société française, on est deux gales de la nation. On n'a pas tranche de minet façon Hélène et les garçons. Plutôt un boys band, genre de sang lascar pour une version. 200 phares de son, à l'aise dans le poste, les vices, les fils unis. Le bise avance, avant, c'est ça la France. Les gars, 200 phares de son, à l'aise dans le poste, les vices, les fils unis. Le bise avance, avant, c'est ça la France. 200 frères de son, pur sang. Étalon, je déballe mon talent. Étale mes galons, légalement. Sorti sur Bastion, j'appelle toujours à la rébellion. Pour cela j'applique une nouvelle technique. Rimbale et radical, le duo déchire tout sa mère. Ça te laisse un goût amer. On préfère se fumer sur le track. C'est borné à coup de matraque dans la rue. Urgence, CHU ça pue. Gâche le samedi soir, enerve les lascars. On peut même plus passer une teuf sans que les keufs s'invitent. Gris, mes boomers, éclique mon flow. Applique la censure dans mon studio. Sème le trouble dans mon cerveau. Veulent que je quitte la ville. Mais je suis moins docile qu'en 96. Et pour m'éjecter, yo, faut que tu sois balèze. Parole de secret détresse. 200 phares de son, à l'aise dans le coste, les vices, les fils unis. Le bise avance, avant, c'est ça la France. Les gars, 200 phares de son, à l'aise dans le coste, les vices, les fils unis. Le bise avance, avant, c'est ça la France. Finir en vieux croulant, yeah, chitane maïs entre là. Les dents. Serrer le dentier pour pas qu'il tombe. Ça poussait son fauteuil roulant. La vie ne fait pas de cadeau. C'est soit l'hospice ou les barreaux. Alors à 16 ans, avoir le vécu d'un mec de 50 ans. Des tours de béton, le mec béton. Tant pis dans 6 ans, dans le ciment. Et lance-banachon pour tes 22 ans. Car la zonzon a transformé le petit truand de la maison. Maintenant c'est un homme portable gadget. Façon Macron, écurie de mauvais rejeton, acteur d'un film de science-fiction, l'ombre et l'escroc, descend du lit, l'escroc en tirant dans l'abdomen, 9 mm parabellum, on rigole, fonce des comme des hyènes, haine, reine sur le monde du bord, maîtrise le train comme Al Capone, fils, business, laisse pas le choix aux enfants qui naissent, garçon, ça joue les grands, esquive l'école et fume tout le temps, des joints, histoire de flamber tous les jours devant les copains, et ça part, et ça part, ça rigole, et ça rigole, faire le mariole n'a jamais rapporté le pactole que des embrouilles, comme Jacques Mayol nager en camisole, 10 kilos au bout des couilles, 200 phares de son, allez dans le les fils unis, le bise avance, avant, c'est ça la France. Les gars, sans phare de son, à l'aise dans le poste, les vices, les fils unis. Le bise avance, avant, c'est ça la France. 200 phares de son, à l'aise dans le poste, les vices, les fils unis. Le bise avance, avant, c'est ça la France. Les gars, sans phare de son, à l'aise dans